Chciałem pisać, by tam się kocić ty. Przyszanka moni do ci ty. Ja ramen nie znam, że ci oczy też. Te rajmen są picie, si fremen co si ty. Chciałem pisać, by tam się kocić ty. Ta to wątre zapłaci ty. Dzieciory nie ma salka moni do ci ty. Ta to wątre zapłaci ty. Nie prawie mam gdzieś na wchodzie, gdzie oczy ty. Te rajmen libre są picie, si fremen co si ty. Roka do ta si ty. Direk do ta, direk roka do ta si ty. Direk do ta si ty. Direk do ta si ty. Si t'es déjà à être choqué, à le cramer ton zèle, volant ré au ciel, le calcul est forcé, vous t'es soit exaucé. Amen, amen, j'ai des dossiers. Les petits animaux sont faits, y'a ces marées, leur saflore à les sauter. L'équipage est posé, faut t'en laisse pas bosser, faut t'en laisse pas bosser. J'arrive au bal des fils de pute, un soir y'a tout le monde qui décale. 93 couronnes, un gros dossier dans les balles illégales. Y'a du balmain. Fabiolucci, là les gamins, du sang et du champagne sur mon Gucci. Elle est belle, elle est bonne, elle fait couler des sommes. Elle est belle, elle est bonne, elle fait couler des sommes, elle fait tuer des gens. Elle est belle, elle est bonne, elle fait couler des sommes. Elle est belle, elle est bonne, elle fait couler des sommes, elle fait tuer des gens. Les fils de pute sont petites quantités, t'as trop votre capacité. J'ai cœur et les mains sales comme mon identité. Les frères et même des sœurs, gros, j'ai dû en quitter. J'aurais dû livrer sans pitié, je suis prêt même sans fité. Regarde dans ta cité, direct dans ta direct. Regarde dans ta cité, direct dans ta cité. Direct dans ta cité. Les archers posés sur les toits, les chapeaux comme des flèches. Rame la pêche, on envoie, pose ton arme au 93, remballe des bois. Dis-leur y'a quoi. Représailles, tu sais qu'on les boit. Tu fais ce que tu peux, je fais ce que je dois. La plus bonne, on la pèse, autant de soulever des bois. Soulever des bois. On t'a pas menti sur Pianso, j'suis chaud quand il restera pas déçu. Jamais, jamais. J'rentre dans l'arène du freestyle, mes génies font des croix de Jésus. Jésus m'a, c'est moi la rue. Là y'a pas les vies à faire. Il a pas du salaire. On lui a niqué sa mère. J'aime les fils de peu comme petite quantité. Hey, t'as trop votre capacité. J'ai cœur et les mains sales comme mon identité. Hey, t'as trop votre capacité. Des frères et même des sœurs, gros, j'ai dû en quitter. J'aurais dû livrer sans pitié, je suis prêt même sans fité. Regarde dans ta cité, direct dans ta direct. Regarde dans ta cité, direct dans ta cité, direct dans ta cité. Hey.